personne sur mon Harley Davidson. De personne sur mon Harley Davidson. J'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne sur ma Yamaha. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être à Paris, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne. Oui, j'ai vu ta moto, elle est belle ta moto. Ça veut dire que t'as le permis, je ne savais pas. Elle n'a besoin de personne sur son Harley Davidson, Sharon. Je n'ai besoin de personne sur ma moto italienne. C'est quoi la marque? J'aime bien les italiennes. Moi j'aime bien les italiennes qui se promènent sur la plage. Avec leur motocyclette. Je n'ai besoin de personne avec ma moto italienne. Et quand je croise une Harley Davidson, moi j'ai pas à rougir. Ah, quel c'est un Benelli. C'est bon ça. Putain, y'a un truc qui est fort là. Je ne m'entends plus chanter. Tu vas fermer ta gueule, Benji. Tu nous casses les couilles, Benji. Est-ce que je peux brancher une guitare acoustique? Est-ce que je peux brancher une guitare acoustique? Jouer de la guitare tout nu, c'est pas bien parce que c'est froid. Thank you. là, c'est un peu folle là. Brancher la guitare. C'est pas facile, c'est pas facile, ces accords pour moi, je suis complètement paumé. Pourquoi t'as cassé ton casque? Thank you. Pourquoi ils sont tous partis ?